Join me on RIG. RIG. Oh, la partie, c'est un contour de l'exo. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 507. Nous sommes le 13 novembre 2021 et l'album de la semaine pour fêter son anniversaire qui était il y a quelques jours, le 9 octobre, j'ai dit novembre, alors c'est le 13 octobre, hein, d'accord, je suis en avance, 13 octobre 2021. Vous voulez qu'on recommence? Non, non, on recommence pas, c'est bon, ça sera gardé, ça fera partie des chutes, ça sera assez rigolo. Donc, c'est la saga des Fab Four numéro 507, le 13 octobre 2021, et c'est là-dessus que j'ai tiqué, parce que l'anniversaire de John Lennon et de Sean Lennon, c'était le 9 octobre, donc l'album de la semaine, c'est l'album Double Fantasy de John Lennon en 1980. On écoutera Just Like Starting Over, Clean Up Time, I'm Losing You, Woman, évidemment, on ne peut pas passer à côté de cette chanson, Watching the Wheels et Beautiful Boy, Darling Boy, pour rendre hommage à Sean Lennon. Il y aura également du McCartney, du Harrison, du Star et des Beatles pour McCartney, Coming Up sur l'album McCartney 2 en 1980. Pour George Harrison, ce sera All Those Years Ago sur Somewhere in England en 1981. Et la même année, Ringo Starr nous chantera une chanson écrite par George Harrison, Rack My Brain, sur Stop and Smell the Roses. Quant aux Beatles, ce sera l'album qu'on attend, qui là va sortir en entier. On a déjà dit des petits bouts de Long and Winding Road de Let It Be, super deluxe édition. La version donc 2021 du mix. On a l'impression qu'ils sont à côté de nous. C'est absolument superbe. C'est très très beau. On écoutera ça tout à l'heure. Voilà. Pour le reste, eh bien, vous avez rendez-vous sur la page Facebook de l'émission, la page qui s'appelle La Saga des Fab Four sur www.rgfm.fr. Ça tombe bien. C'est en tapant sur ça sur Internet que vous pouvez nous recevoir sur Internet, ou alors sur la bande FM, comme on dit, sur 90.7 le mercredi soir. C'est la radio des Beatles entre 20h et 22h. Voilà ce qu'on pouvait dire. Prenez place, mettez-vous tranquille, mangez tranquillement. Et pendant 2 heures, on va être bercé par John, Paul, Ringo et George. Ça dure depuis 1984 et on continue, on continue, on continue. Voici le premier titre, John Lennon, en 1980, Just Like Starting Over. Bonne soirée. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. Can we be making love nice and easy? It's time to spread our wings and fly. Don't let another day go by, my love. It'll be just like starting alone. Take a trip somewhere far, far away. We'll be together all alone again, like we used to in the early days. Well, darling, it's been know time flies so quickly. La radio des Beatles. Je repense à Sean Lennon qui est né en 1975, 46 ans cette année. Il est donc plus vieux que son propre père, ce qui est certainement quand même relativement rare pour nous de faire ce genre de truc-là. Et ça doit faire bizarre. Ça doit faire bizarre de se dire que son père n'a même pas vécu jusqu'à 46 ans. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que en 1980, l'album de Paul McCartney, l'album McCartney 2, était sorti et John Lennon a eu le temps de l'entendre. Et la remarque qu'il a réussi à faire au sujet de la chanson que nous allons entendre, c'est du bon boulot, Paul. Coming up sur RG dans la saga des Fab Four. Thank you. En décembre 1980, il s'est produit ce que vous savez pour John Lennon et George Harrison préparait son futur album et il avait proposé une chanson à Ringo Starr. Cette chanson-là, lorsqu'il a appris la mort de John, il ne lui a pas donné finalement à Ringo. Il a retravaillé les paroles, il a demandé à Paul de venir, il a demandé à Ringo de venir et à trois déjà en 1981, donc avant les fameux Three Tills de 1995, eh bien ils ont proposé All Those Years Ago qui a été un sacré hit aux États-Unis. J'étais aux États-Unis à ce moment-là et je vous assure que ça, on l'entendait sur toutes les radios. Voici la chanson. Shouting all about love while they cheated you like a dog. And you were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give, they don't act with much honesty. Ringo Starr, aidé par son pote George Harrison sur l'album Stop and Smell the Roses. Et Rook sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, nous a montré, si vous allez regarder, le 45 tours de Ringo Starr, il y a Rack My Brain, et en face B, il y a la mauvaise des deux mauvaises chansons de cet album-là, Drumming is My Madness, alors que c'est un batteur, et on aurait pensé qu'il aurait pu faire une belle chanson là-dessus. Elle est bof, bof, bof, bof, bof, à tendance pas bien. Et l'autre mauvaise chanson, ce qui est curieux, c'est la chanson qui donne quasiment son titre à l'album. La chanson s'appelle Stop and Take the Time to Smell the Roses. Cette chanson-là est mauvaise. Les autres chansons sont très, très bonnes. Nous avons parlé de Paul McCartney, oui, ça c'était générique, de John Lennon, de Paul McCartney, de George Harrison et de Ringo Starr. Si nous mélangeons les quatre, nous allons approcher le long chemin sinueux qui mène jusqu'à ta porte, The Long and Winding Road, là avec le mix 2021. Mais avant ça, il vous faut tout savoir sur Lovely Rita. Qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur BeatlesMagazineUK.com. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. La saga des Fab Four avec Thierry Gallet sur RIG. Crying for the day. venir très très vite en album de la semaine, Let It Be, la version super deluxe. On en reparlera en temps et en heure. L'album de la semaine, c'est l'album Double Fantasy de John Lennon en 1980. Et à ce moment-là, justement, 5 ans après 5 ans de silence, il se dit, allez, on a tout nettoyé, on se sent bien. Je vous l'ai dit, à 40 ans, il avait l'impression d'être débarrassé de ses démons. Il se sentait vraiment bien. Et donc, c'était le moment de faire le ménage. Clean Up Time, il en a fait une chanson. Très bien d'ailleurs. Bobo, bobo. Bubble, bubble. The gods are in the heavens, the angels treat us well. Oracle has spoken, we cast the perfect spell. Queen is in the counting house, counting out the money. The king is in the kitchen, making bread and honey. No friends and yet no enemies. Absolutely free. No rats aboard the magic ship of perfect harmony. Now it begins. Let it begin. Clean up time. Hey, clean up time. Center of the circle will always be our home. Yeah, yeah.

C'est à cette époque, sur l'album Flowers and the Dirt en 1989, que j'ai eu le bonheur de voir Paul McCartney pour la première fois à Bercy en octobre. Et je vous assure que du haut de mes 25 ans, bêtement, j'avais pensé, dites donc, le vieux de 47 ans, il se débrouille encore bien. Mais oui, il se débrouille bien, parce que 47 ans, c'est pas vieux, je vous le dis maintenant. Ok. Don't let me down. Like she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does. First time. Don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Blue jay go. Ooh, she does. Yes, she does. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me. Sur la version Deluxe avec Let It Be, nouvelle version. Quelle beauté! RIG, c'est la radio des Beatles. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing. People living in the world agree there will be when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Dans la saga, quelle belle chanson, hein, Let It Be. À venir dans la saga, trois fois John Lennon. Oui, je rigole déjà d'avance par rapport à la remarque que l'un d'entre vous va faire sur Facebook d'ici trois secondes. D'abord, l'album de la semaine, l'album Double Fantasy de John Lennon avec I'm Losing You dans quelques instants. J'aime beaucoup cette chanson. Et puis, l'album White, le White Album, l'album blanc par deux fois avec Happiness is a Warm Gun et Sexy Sadie. C'est à venir, c'est sur RIG, dans la saga des Fab Four numéro 507. Bye.

Avouez que vous aussi vous avez chanté ces chansons-là, parce que vraiment ça reste dans la tête, c'est du très très bon Lennon, du très très grand Lennon de 1968, et je vous ai proposé la version du 2018 remix, dans laquelle on entend des airs, des petites notes de musique supplémentaires, quand on l'écoute au casque, c'est absolument génial. La chanson suivante, je l'ai où jamais passé, ou très très rarement passé en tant d'années de la saga des Fab Four, parce que c'est extrait de l'album le plus faible réellement de George Harrison, l'album Dark Horse. Et comme toujours chez nos amis, même dans un album faible, on trouve des petites perles. Celle-ci n'est pas vraiment une perle, mais j'avais envie de vous la proposer parce que il faut pouvoir vous faire entendre des chansons que vous n'avez pas l'habitude d'entendre sur toutes les radios. Voici Maya Love sur l'album Dark Horse de George Harrison en 1974. Love is like the sea. France locale. Votre radio locale RIG 90.7 fête ses 40 ans et voudrait continuer à y mettre. Le vendredi 15 octobre, entre 20h et 22h, soyez présents, puisqu'il y aura des artistes de Blanquefort, c'est le lieu dans lequel réside votre radio, pour 2 heures d'interview et de spectacle en live stream sur Facebook et sur, évidemment, 90.7 FM et www.rgfm.fr. Maintenant, nous avons un appel aux dons à vous diffuser et c'est très, très important. Votre radio locale RIG a le don d'émettre depuis 40 ans. Mais aujourd'hui, pour continuer ses émissions, RIG a besoin de vos dons. Suite à une panne technique, les antennes doivent rapidement être remplacées. RIG est une radio associative non commerciale. Un appel aux dons est lancé pour nous aider à financer cette opération indispensable pour continuer à diffuser. Si vous souhaitez participer et aider RIG à exister, merci de nous contacter par mail. Direction @rigfm.fr. Direction @rigfm.fr. Rappelez-vous que chaque don est important, même le plus petit au plus grand, bien entendu. Et la radio vous transmettra un CERFA pour la déduction d'impôts, parce qu'évidemment, lorsqu'on fait don à une association, on peut le déduire de ses impôts. Il en va de la survie de la radio et également de la diffusion de la saga des Fab Four, parce qu'on ne sait jamais, si la radio s'éteint, la saga des Fab Four s'éteindra peut-être. La saga des Fab Four avec Thierry Gallet sur RIG. All you need is love, et ça, c'est toujours valable. You can sing the country song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Ouais, Love is All You Need. Je vous propose l'album de la semaine et cette chanson dans laquelle, évidemment, John Lennon parle de Yoko, mais qu'il a su rendre suffisamment universelle pour qu'on puisse, nous, la proposer à n'importe quelle femme. Par exemple, moi, je vous propose de la dédier à Alexandra Pouyadou. Comme d'habitude, voici Woman sur RIG. Pour l'autre moitié du ciel. Alors la cover est vraiment spéciale parce que c'est une initiative de Ringo Starr. Je vais proposer à Rook évidemment d'aller chercher la vidéo sur YouTube parce qu'à un moment donné il va y avoir des solos de batterie qui sont un peu longs lorsqu'on les écoute seulement, mais lorsqu'on les voit c'est plutôt très très sympa. Toute une bande de copains batteurs de Ringo qui ont fait Why Hungers Drum Together. C'est une cover de Come Together façon jazzy que je trouve absolument superbe. Ça dure une dizaine de minutes, écoutez. joker, he just do what he thinks. Vous écoutez RIG 90.7 et www.rigfm.fr. C'est la saga des Fab Four. We had the greatest time at Frank Sinatra's party. We drank expensive wine, then watched the night go by. I saw a showgirl dance with Sammy Davis Jr. They had a brief romance under the desert sky. Paul quand même. En 2018, il nous sort l'album Egypt Station, un album extraordinaire que je vous conseille d'acheter. Et en 2019, il ose nous sortir Egypt Station Explorers Edition, dans laquelle il y a des inédits comme celui que vous venez d'entendre. Et ben du coup, j'ai réacheté l'album parce que j'avais envie d'avoir ces inédits qui sont de très bonne facture. Voilà. On revient en arrière en 1975 sur l'album Extra Texture Read All About It. D'où vient ce titre ? George Harrison avait toujours du mal à trouver des titres ou de chansons ou d'albums. Extra Texture, Read All About It, c'est ce qu'il a lu sur un paquet de pâtes. Spaghetti peut-être, je ne sais pas. En tout cas, un paquet de pâtes. Donc, quelquefois, il ne faut pas aller chercher loin les titres. Par contre, la chanson, c'est peut-être une suite de While My Guitar Gently Weeps. C'est This Guitar Can't Keep From Crying sur RG. Myself out on a limb, but I'm happier than I ever been. But this guitar can keep from crying. Learn to get up when I fall, and even climb from the stone wall. This guitar can keep from crying. Si vous prenez l'émission à l'instant, c'est dommage. Vous avez manqué une heure et demie d'émission déjà. C'est à 20h que ça commence. Et c'est sur RIG 90.7 pour ceux qui l'écoutent à la radio. Et c'est sur www.rigfm.fr pour ceux qui l'écoutent sur Internet. Je pense qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Bref, l'album de la semaine, c'est l'album Double Fantasy de John Lennon sorti en 1980. Nous en sommes à la saga des Fab Four numéro 507 aujourd'hui. Et je vous propose cette chanson, Watching the Wheels. Je regarde les roues qui tournent. C'était une sorte de petite sœur de I'm Only Sleeping, je ne fais que dormir. Ce qui était quand même de l'humour de la part de John Lennon, parce que du temps des Beatles à I'm Only Sleeping, il se remet peut-être moins que Paul McCartney, mais quelle vie trépidante. Il travaillait, rappelez-vous, 8 days a week, 8 jours par semaine. Et encore, c'est plutôt des semaines, des jours de 48 heures. Et encore. Ah, j'adore cela. RIG 90.7, la radio des Beatles. People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. Nous a sorti deux albums en 2021, deux mini-albums Zoom et l'album Change the World. En voici deux extraits, Here's to the Night avec un certain Paul McCartney et Let's Change the World sur RIG. Taking it to extremes, never losing faith in our crazy dreams. Here's to having no fear, here's stars, hanging out in castles or hanging in the yard. Here's to leaving no foolish deed undone, moving to the beat of our own crazy drum. Here's to living out loud. Here's to right here, right now.

Et le fameux mot mystère de John Lennon, il dit cranberry sauce, allez savoir pourquoi déjà, et certains ont cru entendre I buried Paul, ce qui avait fait croire en 1969 que McCartney avait eu un accident en 1966 et que depuis, les Beatles restants avaient mis un sosie et avaient tout fait pour mettre des petites énigmes dedans pour dire Paul McCartney est mort, etc. Si c'était vrai, quel talent le sosie, puisque même en 2020, il nous sort encore un album malgré sa voix défaillante, et un album excellent qui s'appelle McCartney 3, dont voici un extrait, Seize the Day. I don't care to be bad, I prefer to think twice. All I know is it's quite a show, but it's still alright to be nice. Yankee toes and Eskimos, content, frozen ice. When the cold days come and the old ways fade away, there'll be no more sun, and we wish that we had held on to the day. The day. I don't mean to be wrong, I don't need to be right. I'm okay on a sunny day when the world deserves to be bright. Dinosaurs and Santa Claus will stay indoors tonight. When the cold days come minutes, il n'y aura pas Eric qui n'est pas présent cette semaine et donc on va aller jusqu'au bout de la programmation. Il nous reste une, deux, trois, quatre chansons plus le générique. On va aller jusqu'au bout, on va déborder un petit peu. Voici pour la dernière fois l'album de la semaine, l'album Double Fantasy de John Lennon en 1980 et cette ode à son fils Sean, Beautiful Boy, noté dans les paroles Life is what happens to you when you're busy making other plans. C'est très très joli. La vie, c'est ce qui t'arrive quand tu es occupé quand tu as d'autres plans, quand tu es occupé à faire autre chose, quoi, quelque part. C'est beau. C'est John. Après, il y aura deux Beatles avec John en vedette. He's on the run and your daddy's here.

termine tranquille. Ringo Starr, le dernier, la dernière chanson de la saga, Zoom In, Zoom Out. They used to think the world was flat, and there'd be dragons on the edge of the map. To Galileo put on his thinking cap, change things forever. Yes, just a dot for an astronaut. There's a whole universe in one raindrop. For a single bottle of soda pop, we're all in this together. Star is reachable. Every moment is teachable. Love is what it's all about. Zoom in, zoom out. When your journey seems an endless one, and fear is hard to overcome, you get it done. One day you'll be laughing. A wealthy man from way up high, a homeless child in the cardboard sky. If we could only see through each other's eyes, imagine what could happen. Star is reachable. Every moment is teachable. Love is what it's all about. Zoom in, zoom out. Shift your paradigm. Seek and you will find the end of your nose is infinity. Je sais, oh, c'est déjà fini. Ben oui, mais on recommencera la semaine prochaine. Et je vous remercie d'être resté jusqu'à cette heure tardive, puisqu'on a débordé un peu sur l'émission d'Eric, vu que Eric n'est pas là cette semaine. Merci Eric de m'avoir permis de prolonger un petit peu. Je vous retrouve pour de nouvelles aventures dans 7 jours à peu près. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses et prenez soin de vous. Surtout, merci. Bon anniversaire pour les 81 ans qu'aurait pu avoir John Lennon le 9 octobre. Bon anniversaire à Sean Lennon qui a eu 46 ans et bon anniversaire au fils de Philip Mettens qui a eu 23 ans aujourd'hui. Et voilà, puis à tous ceux que je ne connais pas qui auraient eu leur anniversaire il y a peu de temps, bon anniversaire tout le monde. À très bientôt, salut, ciao. Et n'oubliez pas pour le don, c'est très important si vous voulez que la saga des femmes fortes continue sur cette radio RG, nous avons besoin de vous. Bernard Hooter.